peux en dire plus sur les documents de base que vous avez utilisés? Par exemple, récemment, je suis tombé sur un compte-rendu du CA de Sciences Po, après la disparition des coins, qui les a mis un peu dans une situation difficile, et où ils discutent la liste des gens qui pourraient légitimement être au CA. Et c'est très intéressant parce que tu vois, ceux qui auraient pu y être, qui n'y sont pas, ceux qui sont exclus parce que ça ferait trop copain. C'est dit comme ça. Enfin, le document, sur Google, je suis tombé dessus. Donc, est-ce que ces documents sont des documents vraiment froids, c'est-à-dire des listes avec des... Ou est-ce que vous avez des documents qui sont justement des échanges avec des traces de... Voilà, ça, c'est pas clair. Jusqu'ici, on a travaillé sur du froid. Même si ce froid est très brûlant, on a travaillé sur du froid. Donc, mais Michel, peut-être tu as des choses à dire sur la... Je comprends pas, parce qu'une bonne partie des listes qui ont été recueillies à partir des PV... D'accord. Donc... c'est du refroidi. C'est du refroidi. Bon, j'ai scanné ça assez rapidement, mais j'ai pas trouvé de choses aussi juteuses que. Je vous l'enverrai. Ça. Ah oui, c'est intéressant. Une question. Est-ce qu'ensuite vous envisagez de regarder qui siège effectivement, parce que l'université, par exemple, les personnalités extérieures, les représentants d'entreprise, souvent dans vos conseils, on dit ils ne participent pas ou ils ne savent pas grand-chose dans certaines instances. Est-ce qu'après on peut voir en fonction des PV ou des quelles sont les prises de parole? Enfin, vous envisagez après d'aller jusque-là ou pour les collectivités locales? Comment ils affluent de faire des enquêtes de terrain. C'est ça. Pour l'instant, on est dans une démarche assez brutalement objectivante qui a aussi ses vertus. Enfin, ça ne dit rien sur comment fonctionne le conseil d'administration. Mais ça montre que nous avons affaire à un monde. Et ce monde, on peut le décrire en tant que monde socialement distinctif. Voilà. Au-delà, il faut faire de l'ethnographie, ce qui serait essentiel, d'autant que parmi les prétendus représentants des personnels, nous avons quelques ethnographes potentiels, n'est-ce pas, qui pourraient travailler. Je vais avoir une question. Oui. On a vu apparaître le logo de Sanofi. Tout à fait. Est-ce que les liens avec les petites PME qui apparaissaient comme représentants du monde de l'entreprise sont. Alors, là, votre question est très importante parce qu'en gros, ça pose tout le problème de la critique des sources. Disons, dans un premier temps, on utilise les CV que les gens eux-mêmes ont écrits et publiés. Et dans notre monde, les gens publient leurs CV. Sous une forme ou sous une autre, on le verra tout à l'heure. Donc, on part de là. Mais il se trouve aussi que le web fournit sur ces gens, et pas contre leur gré, je pense, des informations que eux-mêmes n'ont pas, disons, mises en scène. Et c'est le cas de Madame Aigneret, en effet. J'ai trouvé cette description de sa biographie sur le site de Sanofi parce qu'elle est administratrice de cette entreprise. Donc, je crois qu'on est autorisé, puisque tout simplement tout ceci est public, on est autorisé à prendre acte de cette réalité. En revanche, le fait que de nombreux, toute une série de gens peuvent effectivement être administrateurs de société sans nécessairement le proclamer aujourd'hui et aujourd'hui, on n'en tient pas compte. Quoique, il y a des collègues qui font de l'histoire des entreprises et qui ont effectivement, en tout cas pour les sociétés cotées en bourse, des listes complètes de conseils d'administration. Et on pourrait, ça c'est un travail. Je crois qu'on sait faire, en tout cas pas moi, mais d'autres dans l'équipe, on pourrait comparer les listes et puis faire ressortir tout de suite qui, dans le monde de l'ESR, on commence quand même à avoir des dizaines de milliers de personnes, qui est-ce qui est dans les conseils d'administration. Ce serait pas mal. Mairie. C'est peut-être qu'on descend de niveau, et c'est peut-être même égoïste, mais à un moment donné, quand on est en plein dans le prêt sésame et les négociations pour commuer, est sorti le nom de ce monsieur Citerman. Alors, est-ce qu'il apparaît quelque part? À mon avis, il est très important parce qu'il est un médiateur. Il a déjà fait des séminaires qui sont en fait une sorte de contre-propagande contre nous, malheureux, révolutionnaires de politique des sciences. Et donc, j'aurais voulu savoir s'il apparaît quelque part. Tu devrais breveter le mot. C'est un peu une colle, mais je suis désolé. Parce que c'est normal, c'est un inspecteur d'éducation nationale. C'est le fléchif au ministère. Il a fait les évaluations avec Tello. Et après Tello, il a interrogé le mission, il a des séminaires ici. C'est un peu monsieur évaluation au sens chiffre, technique. Et après, son autorité est servie. C'est un syndicaliste. Oui. Gain, c'est un CV, je pense. Il le dit comme ça. Je crois que c'est dans le CV. Enfin, je ne sais pas. Alors, moi, j'entends. Ou sympathisant. Moi, c'est le fait que la capacité à répondre à la question de mairie garantit, me semble, l'intégrité absolue de notre groupe, puisque je n'ai pas accordé une attention particulière auprès de ces âmes, alors que j'en aurais envie, bien sûr. D'autres, oui, je t'en prie. Sur les enjeux, comment passer aux enjeux? Parce que l'enjeu du tableau, c'est présence qui est présent à tel conseil d'administration, mais au bout de 10 ans de débat, je vois toujours pas l'enjeu d'un presse. Parce qu'un presse, c'est une boîte, c'est un emboîtement. On met une université avec un labo, avec une industrie, et puis peut-être des passeurs d'innovation, mais au final, je sais pas, j'ai aucun exemple marquant de presse. Que fait un presse en plus de chacune de ses parties qui fonctionnent? L'université enseigne, la recherche, fait de la recherche comme elle peut. Mais la synergie de l'ensemble, je ne vais même pas donner un crédit, quoi. Je vois pas. Alors, j'ai une question, tu m'accorderas, qui sort un petit peu du cadre de ma présentation. Ma réponse serait, ces objets ne servent à rien, et ils l'ont prouvé, sauf à produire l'étape suivante, c'est-à-dire à nous faire coiffer par des autorités sur lesquelles nous n'aurons plus aucune prise. Et on ne s'en rendait pas compte quand on est rentré dans les presses. Moi, je me souviens, enfin, bon, j'ai dit ça, y compris dans ce séminaire, François Veil nous expliquait, vous savez, c'est pas très important, les presses, machin, parce que, vous savez, il s'agit au fond d'avoir un service de médecine du travail un peu correct, commun, avec, et puis le sport pour les étudiants. C'est quand même, c'est très, très important, ça. Que voulez-vous répondre à ce genre d'argument? On nous a menés en bateau d'un bout à l'autre, et bien maintenant on arrive au bout du chemin. Le Léviathan va nous manger. Est-ce que justement votre étude ne permettrait pas de dégager quelque chose qui, moi, me semble important? C'est que aussi bien les presses que les communes sont des objets qui sont très fortement déséquilibrés, qui sont volontairement des choses déséquilibrées, de manière à faire sortir ces ensembles hétéroclites du statut des établissements publics, etc., de manière à pouvoir faire comme Oxford et d'autres universités, être aussi des gestionnaires financiers. Donc je ne crois pas que ça ne sert à rien. Je pense que ça sert excessivement. Juste un point, l'IDEX devra être géré par ces gens-là. Or, les presses ne peuvent pas gérer l'IDEX. Rappelons-nous qu'une université n'a pas le droit d'ouvrir un livret A. Ce n'est pas possible. Or, quand on change de statut, on peut le faire. Alors, quand on est grand établissement, par exemple, je pense à Sciences Po dans SPC, il est clair que c'est la carpe et le lapin entre Paris 3, Paris 7, Paris 13 et Sciences Po. On n'est pas du tout dans la même gestion financière. Et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que justement ces gens et toute cette connectique et toute la connexion qu'il y a entre ces gens-là permettrait de dégager cette idée du futur dont les communes ne sont qu'une étape intermédiaire hors équilibre, qui doit s'effondrer. Et nous demanderons, nous acteurs de la recherche, à retrouver un équilibre à travers des grands établissements, par exemple. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais je pense que tout ça est bien travaillé et bien pensé. Donc tu leur donnes du crédit? Ah, moi je ne pense pas qu'il y ait d'acte gratuit. Enfin, je veux dire, ça, je n'y ai jamais cru. Et je pense que le problème, et c'est un problème financier exclusivement, on ne comprend pas comment Sciences Po peut s'associer avec Paris 13. C'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Pour si on revient à Jessica, par exemple, le rôle qu'il a joué au CA de Paris 6 concernant la sédimentation des RCE, la dévolution, faire en sorte que la dévolution se fasse sur Paris 6, c'était des enjeux financiers majeurs pour Paris, la région, etc. Et sur les presses, rappelons-nous qu'il y a quand même un enjeu de territorialisation. Nous avons nos amis socialistes qui sont prêts à se damner pour la territorialisation de la recherche. Donc la présence d'éléments extérieurs, des régions, dans ces presses, dans ces communes, dans ces structures là, est absolument majeur pour eux. C'est pas innocent. C'est bien, après, les liens avec le monde industriel, Veolia, etc., oui, ça se discute, mais pour ce qui est de l'aspect politique des régions, ça c'est vraiment clair. Voilà, une dernière question, parce que je voudrais passer. Une réaction, parce que par rapport à cette question, moi je suis à Paris Sud, moi je vois une grande différence entre le Bruxelles Univers Sud, qui effectivement n'a servi strictement à rien, à part en fait, il y a une structuration scientifique qui est importante qui s'est faite par le biais des RTRA. Comme dit JTO. Rappelez-nous les RTRA. Les problématiques de recherche associées qui ont très fortement structuré toute la partie physique avec les grandes entreprises comme Thales, etc. Et puis aussi un RTRA autour de Renault et Peugeot, Mondeo. Donc ça, c'était très structurant scientifiquement. Mais le presse lui-même, il n'a pas servi à grand-chose, à part peut-être fournir des gens comme Dominique Vernet, etc., qu'on a vu sur votre graphe, pour ce qui, par contre, est extrêmement fort et structurant, qui est la fondation de coopération scientifique et la mise en place de l'université par les APEC. Donc, mais le presse en lui-même, au niveau du... Enfin, vraiment, on n'en a rien vu, quoi. Alors que l'université Paris-Saclay, ça je peux vous dire. Mais il existe encore. Maintenant qu'il y a eu ça, il existe encore. Je pense qu'il va. Il existe encore, oui, mais. La fac, elle n'était pas partie de. C'est ça tout à l'heure dans ton graphique, je n'ai pas compris, parce que moi j'étais persuadée que dans l'UPSA, il y avait. Mais l'UPSA, est créée en 2015. Donc pour l'instant, on est dans la préfiguration. Oui, enfin, nous, on a des appels d'offres tous les jours, on appartient tous les jours. Il y a la Fondation de coopération scientifique. Mais l'UPSA, elle n'existe statutairement, elle est en préfiguration. Elle était dans au 1er janvier 2015. À distance, alors que vous êtes vraiment sur le terrain, c'est qu'il y a un jeu sans arrêt sur les dénominations. C'est-à-dire que ces gens anticipent toujours d'un coup ce qu'ils ont le droit d'être. Car en fait, on retrouve les mêmes personnes, le même management, etc. Et dans la liste, il y avait Paris Sud, Université Paris Sud et... Non, il y avait Univers Sud. Oui. Univers Sud qui est le presse. C'est presse. Je voulais demander à Michel. Et la Boulou 6, parce que moi, il y avait Versailles Saint-Quentin. Donc c'est un presse, ça aussi. Il fait partie du presse. Il l'avait mis comme un presse à part. Non, c'est un des presses. Michel, tu avais bien mis dans la liste des presses, tu avais mis d'une part Univers Sud, qui est autour d'Orsay, et tu avais bien mis UVSQ. Oui, c'est deux choses différentes. Mais UVSQ, c'est un presse. Non. Oui, il n'y a pas UVSQ. Je suis pas non, il n'y a pas UVSQ dans les presses. Non, UVSQ, c'est pas un presse. Il n'y a pas UVSQ, voilà. Je ne suis pas un expert en presse. Non, mais c'est je suis un expert en population. C'est pas trop. Non, mais c'est pas ça, parce qu'on n'y a pas. On va passer au. On va passer à Joël. Ouais, Joël. C'est reculé. Les gens ne sont pas couchés à la fin. C'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est chic. Et comme ça, tu vois la profondeur suivante.